s'asseoir. J'ai oublié de vous dire aussi que Mme Donaldson, que vous connaissez évidemment, va agir dans ce dossier-là. Elle m'assiste. J'avais remarqué. Mais je ne vous avais pas dit, puis ce n'était pas enregistré, alors je m'excuse. Donc, c'est juste, je l'ai pied marqué en déposant sous P1 la déclaration que l'accusé a rédigée en date du 14 avril 2013. Je comprends que mon confrère admet qu'elle est donnée de façon libre et volontaire. Exact. Sous P1. Et mon seul et unique témoin, si on peut l'appeler à l'extérieur, M. Alain Pelletier. Oui. C'est l'enquêteur ou d'autres? L'enquêteur. On va voir la déclaration. Oui, le témoin, là. C'est quoi votre théorie de la cause, là? Ils ont le même nom de famille, c'est un lien de parenté? Frères. Oui. Ce sont des frères, une menace protégeante par M. le juge. Ici, à la main. Merci. Je le jure. Votre nom? Alain Pelletier. Votre adresse? 35 chemin Fribourg Saint-Sauveur, J0R1R2. Votre âge? 54 ans. Merci. Monsieur Pelletier, quelle est votre relation avec Pierre Pelletier? On a les mêmes parents, c'est mon frère. Un événement est survenu en date du 14 avril 2013 à Saint-Sauveur. Pouvez-vous nous mettre en contexte? Oui. À ce moment-là, je venais d'aller reconduire mon demi-fils à la gare, ici à Saint-Jérôme. Et de retour, sur le chemin du retour, mon frère, Denis Pelletier, m'a appelé. J'étais rendu au port du Nord, à peu près sur la 15. Il m'a appelé en disant « Fais rien ». Là, je n'étais pas au courant de quoi il parlait exactement. Mon frère était policier militaire pendant plus de 30 ans. Donc, il connaît ce genre de situation-là. Et Denis m'a dit, fais rien. Merci beaucoup. Fais rien. Pour ta protection, je te recommande d'aller porter plainte à la Sûreté du Québec pour ta protection et celle de ta famille. Là, je ne savais pas de quoi il parlait. Là, il m'a parlé du mail en question. Et du mail en question où... Monsieur le juge, pour l'instant, je ne me suis pas objecté, même si c'est du oui-dire. Non, ça fait pas de son contenu, là, mais ça explique... C'est introductif, mais... Ah bon? Merci. Vous comprenez, maître, c'est bon? Oui, je suis suivi. Donc, pour vous permettre de continuer, là, en... Monsieur est en train de raconter sa journée, là, comme il a pris connaissance. C'est ça, dans la mesure où ce sont des paroles qu'il rapporte pour expliquer son comportement subséquent. Ça effectivement. Donc, j'ai raccroché et... Là, j'étais inquiet parce que je n'étais pas à la maison. Là, j'avais extrêmement peur qu'il était déjà à la maison en train de mettre à exécution là, les menaces qu'il transférait dans le mail que mon frère m'avait lu. Je ne voulais pas appeler à la maison, par contre, parce que je ne voulais pas inquiéter ma femme s'il n'était pas là. Donc, je me suis dépêché à m'en revenir à la maison. Quand je suis arrivé à la maison, on a ouvert le mail, qui est notre adresse personnelle, familiale. C'est quoi votre adresse? C'est Nathalie Parent. Merci. ParentNathalie@hotmail.com, qui est notre adresse e-mail familiale. Donc, j'ai ouvert le mail, j'ai vu le contenu. Et j'ai eu encore, en le voyant, j'ai eu comme un choc. Fait que j'ai avisé ma femme qui était là à ce moment-là, avec les enfants. Et m'a eu très peur qu'ils mettent à exécution ces menaces. Les menaces de venir... Premièrement, pour moi, personnellement, ma santé, ma vie personnelle, qui mettent ces menaces de mort à exécution. Et après ça, qui violent ma femme devant mes enfants. C'est venu me chercher de façon extrêmement importante. Et donc, j'ai eu très peur. Et puis, il y avait un autre mail qui suivait par la suite en disant « Relis mes paroles ». Donc, il devait être... C'était pas le sur. Je me suis dit « C'est pas sur l'impulsion du moment ». Il revient un peu plus tard qu'un autre mail en disant de relire ses paroles comme il faut. Donc, on a fait garder les enfants pour s'assurer qu'ils sont en sécurité. Je suis allé au poste de police avec accompagné de mon épouse pour porter plainte. Puis, avoir des conseils aussi. Je ne savais pas quoi faire. J'étais extrêmement inquiet. J'avais peur pour ma santé. Ma vie personnelle, mais surtout celle de ma famille aussi, puis de mes jeunes enfants. Et quelle était la réaction de votre femme, là? Je comprends que vous avez mentionné avoir ouvert le courriel ensemble. Quelle était la réaction de votre femme? La réaction de ma femme, c'est qu'elle s'est mise à pleurer. Elle a eu très peur, elle aussi. Puis elle m'a relaté à ce moment-là une expérience très difficile qu'elle a vécue dans le passé avec sa mère, où elle a été violée, battue, puis qu'ils n'ont jamais retrouvé l'accusé ou celui qui a fait ces choses-là. Ils n'ont jamais retrouvé. Puis elle me disait, elle pleurait en me disant que sa mère est encore, on le sait, sa mère est encore très, très affectée aujourd'hui. Monsieur Pelletier, je vais vous montrer un document. Reconnaissez-vous ce document? Je vais montrer le document à mon contraire dans les verbes. Vous en avez copié dans la divulgation de la cour. Je vais demander cependant qu'on explique à la cour d'où provient ce document-là. Oui. Pas le contenu du document, le document lui-même qu'on veut poser. Reconnaissez-vous le document? Oui, je reconnais le document. C'est le document, le email qui m'était adressé à ce moment-là, au mois d'avril, qui m'avait été envoyé. Il a été envoyé à quelle adresse? Il a été envoyé à l'adresse de Nathalie Parent, notre adresse e-mail familiale. Il est envoyé par quelle adresse? Il est envoyé par pierre243@gmail.com. Et cette adresse-là correspond à qui? Elle correspond à Pierre Pelletier. Et pourquoi dites-vous que cette adresse-là correspond à l'adresse de Pierre Pelletier? Parce qu'on a eu des échanges courriels. J'étais exécuteur testamentaire dans le cas du décès de ma mère. Et on a eu plusieurs échanges courriels. Puis le courriel provenait de cette... où Pierre écrivait avec cette adresse courriel-là, à ce moment-là. Et on voit deux pages. Est-ce que vous reconnaissez bien les deux pages du document? Oui, je reconnais bien les deux pages du document. Vous avez... P2 en liesse. Oui, je vais les poser sous P2. Vous avez mentionné avoir reçu deux courriels, un qui confirmait là, les premières menaces. À quelle heure avez-vous reçu là, ces menaces-là? Celui-là, c'est à 14h06. L'autre, si je ne me trompe pas, c'est à 14h22, mais je ne suis pas certain. 14h22. OK. Donc, j'ai déposé sous P2, en liasse, les deux courriels reçus. Merci. Juste avant de les déposer, pouvez-vous nous mentionner à la cour quelles étaient exactement les menaces reçues? Les menaces reçues étaient des menaces de mort à mon endroit et de venir violer ma femme devant mes enfants. C'est des menaces qui ont été... Pouvez-vous nous expliquer, vous avez mentionné là, que vous êtes le liquidateur testamentaire là, de votre mère qui est décédée. Pouvez-vous en dire un petit peu plus? Là, qu'est-ce qui est à l'origine du conflit avec votre frère Pierre Pelletier? Qu'est-ce qui est à l'origine du conflit? Il y a eu plusieurs événements dans le passé qui ont fait que j'ai... Dont l'événement du 9-1-1, puis je pense qu'on va en reparler plus tard. Il y a eu un événement. Sans rentrer dans les détails, la nature du conflit repose sur quoi? La nature du conflit, c'est plusieurs choses précédemment qui se sont passées avec Pierre, puis que Pierre a infligé à ma mère avant son décès, que je pense qu'il a nui grandement à son état de santé. Ma mère était âgée, en étant une personne âgée, était plus nerveuse. Pierre, il amenait énormément de stress dans les derniers mois, dernières années de sa vie, énormément de stress. C'est quelque chose que j'avais beaucoup de difficultés à prendre, personnellement. Et de quoi est décédée votre mère exactement? Ma mère est décédée de complications, de je ne sais pas exactement, de complications. Il y avait de l'eau qui se formait à l'intérieur, de l'arthrite à l'intérieur de son corps, mais je ne sais pas les termes médicaux. Est-ce que vous savez quel organe était attaqué? Le cœur. Un coin du cœur, poumon. Okay. À quelle fréquence aviez-vous des communications avec votre frère? Euh, pour la succession, c'était peut-être à chaque semaine ou à chaque deux semaines, je ne sais pas. Mais des communications verbales, je ne me rappelle pas de n'avoir eu depuis le décès, autre que par mail, par email. Et généralement, la nature de ces courriels-là, quel ton ils avaient? Mais c'était des tons pour au niveau de la succession. Là, c'était sûr qu'il y a eu beaucoup de disputes familiales. Donc, c'était pas nécessairement des emails qui étaient intéressants, qui étaient positifs. C'était des emails qui étaient plus négatifs. Il y a eu beaucoup de disputes familiales. Ça a pris beaucoup de temps avant de régler. Puis, de régler à 99%. C'est pas tout à fait réglé encore. Donc, vous parlez de ton négatif. Est-ce que c'était un ton qui ressemblait à ce que vous avez reçu le 14 avril dans les courriels? Pas tant que ça. C'est un ton qui était négatif, mais qui était quand même pas des menaces de mort. C'est un ton qui était négatif, mais des menaces de mort. Et quelle était la grandeur de votre surprise, là, de votre réaction en ouvrant ce courriel-là? Réaction, c'est. J'ai eu peur pour moi. Et en date d'aujourd'hui, M. Pelletier, qu'est-ce que vous pensez des menaces qui ont été proférées là, dans ce courriel-là? J'ai encore peur. C'est une question qui est pertinente, si vous permettez, M. Juge, je m'objecte à cette question. Qu'est-ce qu'il pense des menaces? Qu'est-ce que je pense des menaces à ce moment-là? Attendez une seconde. Alors, vous lui avez posé la question comment il s'est senti lorsqu'il a lu les menaces ou lu les propos. Alors, il a répondu. Effectivement. Alors, accorder l'objection de votre confrère parce que je pense pas que ce soit pertinent. Je vais poser une nouvelle question, M. Pelletier. Dans les jours qui ont suivi cette menace-là, qu'est-ce qui s'est passé? Dans les jours qui ont suivi, il fallait que j'aille travailler, évidemment, parce que je travaille. Donc, le lundi matin, j'étais allé travailler et j'étais très inquiet. Ma femme allait reconduire les enfants le matin. Je sais qu'elle sortait de la maison. J'étais extrêmement inquiet qu'il arrive quelque chose, évidemment. Donc, j'allais travailler pareil parce que des raisons évidentes, mais j'étais extrêmement inquiet. Puis ma femme à la maison mettait le système d'alarme chaque fois qu'elle était à la maison, le système extérieur, le système d'alarme. J'étais extrêmement inquiet pour elle et pour les enfants. Donc, pour moi, mais surtout pour ma femme et mes enfants. C'est ce que j'ai de plus cher au monde. C'est ce qui m'inquiétait le plus, ce qui m'inquiète encore. C'est la santé puis de ma femme, de mes enfants. Êtes-vous en mesure d'identifier aujourd'hui dans la salle M. Pierre Pelletier? Oui. C'est admis, ce matin. C'est admis, M. Juge. Alors, on va indiquer, madame, dans les admissions, là, que l'identification est admise. Oui. Autre question? Ce ne sera pas bien long? Mais quand je dis autre question, c'est plutôt avez-vous d'autres questions? Ce ne sera pas bien long, je réfléchis, M. Juge. OK, ça va. Je vais lire la déclaration. Je n'aurai plus d'autres questions, mon confrère en aura certainement. Monsieur Pelletier, la journée où vous avez reçu le mail de mon client, Pierre Pelletier, est-ce que vous-même, vous aviez envoyé des emails? Comme je l'ai dit tantôt, M. Juge, j'ai eu plusieurs échanges de mails précédents, ce mail-là, mais jamais d'autres aussi intenses. Est-ce que vous vous souvenez d'un mail que vous auriez envoyé la journée même à un de vos frères 10 ans approximativement que ce frère-là, Guy, frère, ce Guy Pelletier? Oui. Que Guy était un déséquilibré, comme l'assassin de sa mère. Vous souvenez-vous d'avoir envoyé ça? Je me souviens pas de mémoire comme ça, non. Mais dans vos emails, là, vous avez pas ça avec vous, là? Je les ai pas avec moi, non. Ah bon. Juste une seconde, monsieur le juge. On va trouver le petit document. Si je vous disais qu'à 12h53, le 4 avril 2013, vous avez écrit « Il est triste de voir que Guy est maintenant rendu aussi déséquilibré que l'assassin de maman. » Est-ce que vous reconnaissez avoir écrit ça? Je ne nie pas parce que je me rappelle pas exactement, mais ça se peut parce qu'il y a eu plusieurs mails décrits de la sorte. Il n'y en a pas eu juste un. Il y en a eu plusieurs mails pas le fun pendant toute la période de succession. Alors donc, si je comprends bien, quand vous parliez de mails pas le fun tout à l'heure, c'était pas juste les mails de mon client qui étaient pas le fun, c'était aussi vos mails à vous. Comme j'ai dit tantôt, il y a eu des échanges de mails pas le fun à l'intérieur de la famille. Mais jamais aussi grave qu'une menace de mort de venir violer ma femme devant mes enfants, ce qui, encore une fois, ce qui m'est le plus cher au monde. Au-delà de tout, c'est ce qui est le plus important pour moi. On s'était jamais rendu là, à des menaces de mort. Et connaissant mon frère, je sais qu'il aurait pu mettre ses menaces à exécution. Monsieur Pelletier, on comprend que quand vous parlez de l'assassin de votre mère dans votre courriel, on comprend que vous faites référence à Pierre Pelletier, que vous qualifiez d'assassin de votre mère. C'est ça? Oui. C'est exact de dire qu'à plusieurs reprises dans le passé, vous l'aviez traité d'assassin de votre mère. À quelques reprises, je l'ai traité d'assassin de ma mère, effectivement. C'est exact de dire, non seulement vous l'avez traité d'assassin de votre mère, mais en plus, vous avez envoyer des copies de vos courriels au reste des membres de votre famille, à la fratrie. Je comprends que vous êtes 6 enfants dans la maison. Vous avez envoyé des copies de ces courriels-là où vous faisiez allusion au fait que Pierre Pelletier était l'assassin de votre mère. C'est arrivé, effectivement. Comme je disais tantôt, il y a eu plusieurs échanges de mails. Oui. Et on comprend qu'en partie, si vous avez traité à quelques reprises, Pierre Pelletier, d'assassin de votre mère, on comprend que c'est que vous trouvez qu'il avait abusé, mettons, de la bonté de votre mère, c'est ça? J'ai tout le temps trouvé qu'il abusait d'une personne âgée qui était ma mère, qui n'a pas aidé à son décès en décembre 2012. Donc, la journée même où mon client vous avait envoyé le courriel que vous avez qualifié de menace, vous auriez possiblement traiter votre frère d'assassin. Dans le passé, j'ai tout le temps dit à mon frère que ses actes, puis de la façon dont il a agi avec ma mère, avec son abus, avec une personne âgée qui était ma mère, et il y a plusieurs événements qu'on pourrait relater, que ça l'a vraiment, mais vraiment nuit à la bonne santé de ma mère, physique et mentale, dans les dernières années de sa vie, toute sa vie au complet, dans les dernières années encore plus précisément. Monsieur Pelletier, ma question était, c'est exact de dire qu'avant de recevoir le courriel de mon client que vous avez qualifié de menace, vous aviez écrit à mon client qu'il était l'assassin de votre mère. J'ai écrit que c'était l'assassin de ma mère, dans le sens que je viens de l'expliquer, que pour moi, il nuit énormément à la santé. Mais l'avocat veut savoir, vous avez employé le mot assassin. Oui. Bon. Oui, je l'ai dit tantôt. Précédemment à la réponse de mon client. Est-ce que c'est exact de dire que quant à vous, M. Pelletier, votre frère, de longue date, avait des problèmes de déséquilibre? Oui. On parle de déséquilibre mental, évidemment. Oui. C'est exact de dire qu'à plusieurs reprises, dans votre vie, vous avez manifesté ouvertement à votre frère qu'il devrait aller se faire soigner. Oui. On parle de traitement psychologique ou psychiatrique. Je ne sais pas, je passe des bons médecins, oui. Oui, mais vous faisiez référence à ça, là. Vous n'oubliez pas qu'il allait se faire soigner pour le foie ou le cœur. Non, pas pour le foie. On parle pour la tête, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Et ce déséquilibre que vous dites avoir constaté et reproché à mon client, vous l'avez constaté, là, pas juste dernièrement, là, ça fait longtemps que vous parlez de son déséquilibre psychologique, n'est-ce pas? Oui. Vous saviez évidemment qu'il était fragile, puisque vous venez de le dire, il était déséquilibré, il était fragile. Mais vous lui avez quand même, à de nombreuses occasions, publiquement, au sein de la fratrie, traité d'assassin. Tout le monde était fragile à ce moment-là, c'est certain. Après le décès de ma mère, tout le monde était très fragile. C'était une période extrêmement émouvante. Et effectivement, oui, tout le monde était très fragile. Mais vous, M. Pelletier? Et c'est cette fragilité-là, si je peux me permettre. Oui, oui. Cette fragilité-là de mon frère qui me faisait craindre encore plus pour ma vie, puis la vie de ma femme et de mes enfants. Mais vous, qui savez que votre frère est fragile, déséquilibré, a peut-être des troubles mentaux, vous n'hésitez pas à continuer à le traiter d'assassin. Vous ne vouliez pas l'aider à ce moment-là trop, hein? Ça, c'est pas vraiment une question. C'est ça, je ne sais pas quoi répondre. Faudrait peut-être, parce que ce que vous voulez dire, c'est que considérant que vous le traitez, considérant qu'il a des problèmes de santé mentale et que vous avez peur parce qu'il est déséquilibré, pourquoi continuez-vous de le traiter d'assassin? Bien, c'est une chicane qui est malheureuse, qui est très malheureuse, que mes parents auraient certainement pas voulu, puis c'était dans non, mais est-ce que l'avocat, la question de l'avocat, c'est pourquoi vous le traitez d'assassin, connaissant sa fragilité? Parce qu'il m'était revenu, lui aussi, il y a eu des échanges de mails, puis lui aussi, il revenait de son côté, hein, et c'était des choses qui n'étaient pas le fun, qui étaient tenues à l'écart, puis qu'il y avait toutes sortes de mails pas le fun avant ça. C'est pas arrivé juste comme ça. Puis je n'avais déjà parlé à quelques reprises avant. Pourquoi? Si j'avais su, j'ai tout le temps dit de se faire traiter, si j'avais su à ce moment-là que ça aurait pu être grave, ça aurait pu aggraver sa santé, des choses comme ça, je vous jure que je ne l'aurais pas fait. C'est sûr que... Ma question, si vous permettez, M. le juge? Oui, c'est pas un interrogatoire, mais... Ah, si je comprends bien... Vous êtes à prédire à la cour que quand vous le traitiez d'assassin, vous ne saviez pas que ça le toucherait, que ça le blesserait, que ça le bouleverserait. Vous ne saviez pas ça, vous? Je savais qu'on était bouleversé, mais pas que ça affecterait sa santé davantage, sa santé mentale. Mais, M. Pelletier, se faire traiter d'assassin de sa mère devant sa fratrie à répétition, vous dites à la cour que vous ne saviez pas que ça pouvait avoir des conséquences sérieuses pour mon client? Des conséquences, mais sans aggraver sa santé. On parlait de sa santé mentale tantôt. OK. Vous saviez très bien, n'est-ce pas, M. Pelletier, qu'en le traitant de la sorte, en le traitant d'assassin, en le traitant lui disant qu'il avait besoin de se faire soigner, vous saviez que vous lui faisiez de la peine, n'est-ce pas? Je savais que ça, oui, ça, il me faisait de la peine. J'en faisais aussi en disant ça, ça j'en étais conscient. Okay, je pensais à ce moment-là que je faisais de la peine. J'essaie de penser si j'en étais très... Je pense que oui. Alors, comme vous dites, il vous faisait de la peine et vous lui faisiez de la peine. Effectivement. Et quand vous parliez de courriel là, qui était pas... qui était négatif, c'est un peu à ça auquel vous faites référence, cette espèce d'échange entre vous deux où vous vous blessiez l'un l'autre. Exact. Je comprends que suite à votre prise de connaissance du message texte de votre frère à propos de menaces, je comprends que vous n'avez pas tenté de communiquer avec lui directement. Non. Mais vous n'avez pas appelé, vous avez dit « Hey, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec toi? » Vous n'avez pas fait ça du tout. Non. Je n'ai pas cru à propos de faire ça, étant donné la gravité de la circonstance. Vous avez mentionné à la cour, immédiatement quand vous avez été informé, là, vous avez eu très peur. C'est ça? Oui. Faites quoi dans la vie, vous, monsieur Petit? Moi, je suis vice-président industriel pour Novabus, une division de Volvo. Ça fait combien de temps que vous êtes vice-président pour Novabus? Ça fait depuis 2010 que je suis retourné vice-président chez Novabus. Et ces paroles-là de votre frère vous ont bouleversé au point que vous en pleurez aujourd'hui. Oui. Pourtant, si je comprends bien, vous n'avez pas cherché à aller au cœur de ce que votre frère vous avait dit. Pas après l'événement, parce que rendu à l'événement, je pense que c'était rendu un point trop grave qu'il fallait s'adresser à la justice. À ce moment-là, il faut dire que vous étiez, vous, exécuteur testamentaire, n'est-ce pas? Oui. Pour l'héritage ou le patrimoine de votre mère, si je comprends bien. Oui. C'est ça. Et c'est exact de dire qu'il y avait aussi un conflit important avec mon client, M. Pierre Pelletier, à propos de cette succession. Oui. C'est exact de dire que, à un moment donné même, il y a eu un drame particulier. Je comprends que votre mère avait certaines volontés, et des volontés que vous avez transmises au salon funéraire. Et il y a eu une erreur de la part du salon funéraire. C'est exact? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement à propos de ça, M. Pelletier? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une erreur... De corps quand ma mère est décédée. Et quand on est arrivé au salon, on est arrivé, c'était pas le bon corps qui était dans le cercueil. Donc, il y avait une autre dame qui était dans le cercueil avec les vêtements qu'on avait choisis pour ma mère, dans le cercueil qu'on avait choisi pour ma mère. Et on s'en est rendu compte là. Après enquête, il y a eu une erreur au salon, puis ma mère avait été incinérée par erreur. C'est l'autre dame qui a été mise dans le cercueil, qui devait être incinérée. Et je comprends qu'il y a eu une action de la famille contre la maison funéraire. Oui. C'est exact. Est-ce que c'est exact de dire que mon client, au point de départ, a été écarté de cette poursuite-là? Il voulait s'écarter à certains moments, mais il était dans la poursuite. Je me souviens bien, il était dans la poursuite. Par la suite, il était dans la poursuite, mais vous dites qu'il s'était écarté, ou est-ce qu'il n'est pas plus exact de dire qu'il a été écarté au point de départ? Au point de départ, je ne me souviens pas qu'il a été nécessairement écarté. Je sais qu'à la fin, ce que je me souviens très bien, c'est qu'à la fin, il était dans la poursuite et il a reçu son chèque lui aussi. Est-ce que vous vous souvenez d'échanges de courriels à l'intérieur de la fratrie? Disant que finalement, vous étiez mieux de l'inclure dans la poursuite, sinon il y aurait un premier courriel disant qu'il fallait l'écarter parce qu'il ferait des troubles, et un deuxième courriel disant que finalement, mieux valait l'intégrer parce qu'il ferait des troubles de toute façon. Je ne me rappelle pas de ce courriel-là, mais je ne le nie pas, parce que ça se peut. Il y en a eu tellement de courriels, et c'était plus compliqué, c'est certain, quand Pierre était dans les dossiers, fait que c'est ça. Pour simplifier les choses, ça se peut que j'aille demander ça, mais je ne me rappelle pas d'un courriel en particulier. Encore une fois, il y en a beaucoup. C'est exact de dire aussi que, bon, ce que vous avez représenté ou l'attitude que vous avez eue face à mon client, puis là, bon, je parle traité d'assassin ou de malade mental, d'aller se faire soigner, il y a une partie de la fratrie aussi qui était avec vous là-dedans. Vous ne faisiez pas ça tout seul, là, n'est-ce pas? Il y a plusieurs personnes qui ont participé à ça et disaient d'aller se faire soigner. Exact? Je ne peux pas parler pour les autres, mais je sais que toute la... Est-ce qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient du même opinion? Oui, oui. On est plusieurs personnes du même opinion. Je ne vais pas en parler, parce que je suis ici pour me représenter, mais oui, si vous me l'avez demandé, oui. En fait, ma question est celle-ci, M. Petit, c'est ça, le projetant. Il s'est comme fait un clan, un peu, à l'intérieur des frères. Il y a des gens qui vous appuient, il y a des gens qui sont plus contre vous. C'est à peu près ça? Oui. Oui? Ils sont pas plus un clan, mais oui. Il y a des gens qui m'appuient, d'autres qui sont contre moi. Et ça, ça n'a pas non plus... vous n'avez pas traité... Comment vous avez traité ça, vous? Est-ce que ça vous choquait qu'il y a des gens qui ne vous appuient pas dans la relation avec mon client? Non. Est-ce que vous connaissez Tania? Oui. Qui est Tania? Tania, c'est ma filleule. OK. Et votre filleule, est-ce que vous diriez qu'elle a un problème de surpoids? Oui. D'obésité? Oui. Oui. Est-ce que c'est exact de dire que vous avez été déçu à un moment donné parce que Tania n'a pas comme répondu à vos attentes, mais et qu'elle a continué à appuyer mon client? Non. Non? C'est pas le cas. OK. Alors, pouvez-vous expliquer? Oui. Tania, dans l'exercice de la succession, mes parents avaient décidé de laisser, parce qu'eux autres aussi, les petits-enfants étaient très importants, ils avaient décidé de bon cœur de laisser une partie de la succession aux petits-enfants. Donc, d'emblée, les petits-enfants étaient contents, premièrement, mais ils ont dit, on ne se mêlera pas de toute la succession. C'est déjà assez compliqué juste avec les enfants. Et la plupart des petits-enfants ne s'en sont pas mêlés, sauf Tania. Principalement Tania, un peu Ashley, mais surtout Tania, qui s'en est mêlée beaucoup. Donc ça m'a déçu. Okay. Elle avait le droit, par contre, mais ça m'a déçu. Okay. Et c'est exact de dire que vous lui avez envoyé un courriel lui disant que, comme parrain, vous étiez fier d'elle, mais maintenant qu'elle avait décidé de s'associer au violeur, que vous aviez perdu tout respect pour elle et sa famille. Rappelez-vous de ça. Je ne me rappelle pas d'avoir utilisé le terme « violeur », mais je me rappelle d'y avoir envoyé un courriel, dans les courriels méchants que je parlais, d'y avoir envoyé un courriel, oui. Un peu à cet honneur-là, mais vous ne vous rappelez pas des mots exacts, c'est ça? C'est ça. Vous rappelez-vous là-dedans que vous auriez dit « Je vois maintenant en toi une personne souffrant d'obésité morbide, qui a beaucoup de problèmes à se faire des amis et qui vit dans la solitude malheureusement. » Oui. Vous vous rappelez de lui avoir dit oui. Ça? Et ça, si je comprends bien, c'est toujours autour du fait qu'elle appuyait mon client Pierre Pelletier. Non, c'est autour du fait qu'elle se mêlait de la succession, comme je l'ai expliqué tantôt, et que les autres petits-enfants avaient décidé de nous laisser régler en famille, les frères et les sœurs, pour ne pas compliquer davantage le dossier. Ils avaient décidé de nous laisser régler le dossier entre nous, pour ne pas complexifier davantage le dossier. Vous souvenez-vous que dans ce courriel, vous avez dit « Je n'ai qu'un souhait, c'est que le TC, le plus vieux, trouve un bout de câble et qu'il débarrasse notre société. » Ça se peut, je ne lis pas, je ne me rappelle pas exactement ces termes-là. Et je vais vous le montrer après, il n'y a pas de problème. Mais on s'entend que c'est possible que vous ayez envoyé un courriel à peu près à cette teneur-là. Oui. Et TC, vous faites évidemment référence à mon client Pierre Pelletier. Oui. Donc, au sein de la famille, vous le traitiez de TC. On s'entend que TC, c'est C'est pas très cher, hein? Ça vous est tout de queue, c'est ça? Oui. Et vous souhaitiez à ce moment-là qu'il trouve un coup de câble et qu'il débarrasse la société? C'est mes paroles ont dépassé ma pensée. C'est sûr que si c'était arrivé, j'aurais pas été. J'aurais eu de la peine, j'aurais été déçu, mais à ce moment-là, dans l'échange de courriels méchants que je disais, ça se peut que j'ai envoyé un genre de courriel comme ça, comme j'ai envoyé à Tania, puis que je me suis excusé le lendemain ou sur le lendemain, je ne me rappelle pas, quelques jours après, où j'y ai retourné un courriel d'excuse. Alors, vous êtes donc d'accord avec moi, M. Pelletier, que dans ces échanges de courriels, des fois, les pensées dépassaient ce que les gens voulaient, les intentions des gens. Exact. Jusqu'à un certain point, oui, je suis d'accord. Et je comprends que, évidemment, suite à ce courriel que vous avez envoyé à Tania, et où vous vous êtes excusé auprès de Tania, vous vous êtes pas, vous n'avez pas envoyé de courriel à mon client, puis vous ne l'avez pas appelé non plus, pour vous excuser face à lui de l'avoir traité de truc de cul, puis qu'il pouvait se pendre quant à vous. Ça, vous ne l'avez pas fait, n'est-ce pas? Je l'ai fait avec Tania, je ne l'ai pas fait avec Pierre. D'accord. Je peux vous suggérer une courte suspension. J'ai presque terminé mon contrat interne. Vous en avez besoin? D'une suspension? Oui, oui. S'il vous plaît, oui. Quoi? Oui. Vous avez l'air surpris, il est 11h15. Non, non, mais je vais rester derrière. Ça va? Oui. Parfait. Merci. C'est parce que je retournerai, si je retourne à mon bureau, là, c'est okay. Sur la 10 minutes. Alors, je vais rester ici, puis quand vous êtes prêts, je vous retiens. Merci bien.